C'était le vitrier, vitrier, qui s'use sur le pavé. Dans les rues de la cité, il ne cesse de crier, vitrier. D'épines pour chapeau, tous ces carreaux sur le dos, ces jours ne sont pas bien beaux, ils trempent le pain dans l'eau. Écoutez le vitrier, vitrier, qui s'use sur le pavé, dans les rues de la cité, il ne cesse de crier, vitrier. Vitrier, vitrier. Et le soir et le matin, pour un petit bout de pain, vitrier fait son chemin, il a enterré sa faim. Écoutez le vitrier, vitrier, qui s'use sur le pavé, dans les rues de la cité, il ne cesse de crier, vitrier, vitrier. Trop fatigué, vitrier a trébuché, tous ses carreaux sont brisés, il ne cesse de pleurer. Écoutez le vitrier, vitrier, qui s'use sur le pavé, dans les rues de la cité, il ne cesse de crier, vitrier. Vitrier, mais un ange vint à passer, carreau a ressuscité, vitrier s'est relevé, il n'a quitté le sentier. Écoutez le vitrier, vitrier, qui s'use sur le pavé, dans les rues de la cité, il ne cesse de crier, vitrier, vitrier. Matin et le soir, vitrier garde l'espoir que le jour se fera voir où son temps sera moins noir. Regardez le vitrier, vitrier, qui danse sur le pavé, dans les rues de la cité, il ne cesse de chanter, vitrier. Vitrier.